Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Sophie, diffusé en direct lundi 18 juillet 2011 de 18h à 21h, en différé mardi 19 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission est réalisée par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de ce libre journal par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Oui, bonsoir chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Nous allons parler de l'actualité financière d'abord. Ce sera une analyse impertinente de la crise financière et j'ai le plaisir de recevoir, pour traiter de ce sujet ô combien d'actualité, Olivier Delamarche, analyste financier, président de la société Platinium. Et je vous dirai dans un instant où il vous dira mieux que moi ce qu'il fait. Christophe Beaumont, délégué à la communication du Club de l'Horloge, et Christophe Benz, essayiste, ancien président du Mouvement des Jeunes pour la France et auteur de « Décrypter l'antiracisme en une heure » aux éditions Tatami. J'ai mis 50 minutes pour lire le livre. C'est ça, effectivement. 55 minutes, allez, j'exagère, je me vante. Un lecteur moyen met une heure, un mauvais lecteur mettra une heure. Alors la crise financière va nous occuper quelque temps, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Et j'ai invité quelqu'un qui est non seulement ultra compétent, mais qui est original parce qu'il ne pense pas comme tout le monde. Lui, il pense plus juste que tout le monde, je crois pouvoir le dire. Merci. Et sans être un de ses familiers, et je ne suis pas non plus un de ses clients, d'ailleurs, je le précise, je connais un certain nombre de ses admirateurs qui sont frappés par sa pugnacité, son courage intellectuel. Et puis, la justesse de ses vues et le fait qu'il ne suit pas... ce n'est pas un mouton. Voilà, vous n'êtes pas un mouton. Et en matière financière, on sait que l'attitude moutonnière est parfois dangereuse. Alors, vous êtes analyste financier. Vous êtes membre de la Société française des analystes financiers. Donc, vous êtes bardé de diplômes et de certificats en tout genre. Et vous avez créé, avec des associés, bien sûr, la société Platinium Gestion. Qui est une société de conseil en gestion, enfin de gestion de patrimoine, mais boursière, de gestion de patrimoine boursier. Gestion de portefeuille. Gestion de portefeuille, qui s'adresse à des clients particuliers et à des clients institutionnels, ce qu'on appelle en langage jargonnant les zinzins, les investisseurs institutionnels, les compagnies d'assurance par exemple. Enfin, surtout les compagnies d'assurance. Non, des banques aussi. Des banques aussi. Et vous avez... créer des OPCVM, c'est-à-dire des SICAV et des sociétés de ce genre, ce qui veut dire... OPCVM veut dire... C'est un gros portefeuille voilà. dans lequel les institutionnels ou les privés peuvent avoir des parts. Alors, votre métier, c'est d'être plus intelligent que les autres, parce que c'est comme ça qu'on on est meilleur. C'est quand, en étant meilleur que les autres sur le marché qu'on réussit à faire mieux que les autres. Et semble-t-il, c'est ce que vous faites avec beaucoup de talent. Mais j'aimerais que, en plus du talent que vous avez dans la gestion des fonds qui vous sont confiés, bien vous nous fassiez profiter de votre analyse impertinente de la crise financière. Alors, cher Olivier Delamarche, pour vous interroger, donc je vais être assisté par Christophe Beaumont et Christophe Benz, s'ils veulent bien donner leur point de vue aussi sur la crise financière. J'aimerais, donc Olivier Delamarche, que vous nous expliquiez ce paradoxe. On ne cesse de nous dire que la crise est derrière nous, et pourtant on ne cesse de nous dire quasiment le même jour ou le lendemain que nous sommes au bord du gouffre. Je me souviens, j'en parlais d'ailleurs au téléphone avec vous hier, un article incroyable de Patrick Artus. Patrick Artus, les gens qui ne s'intéressent pas trop à l'économie ne le connaissent sans doute pas, mais ceux qui s'intéressent à l'économie le connaissent tous. C'est, je crois, l'économiste le plus répandu en France. Il est consulté partout, on voit ses articles partout. Et j'étais impressionné par sa réputation. Et en juin 2008, j'ai lu un article dans la revue Capital. C'était Patrick Artus qui revenait des États-Unis d'Amérique et qui nous disait Rassurez-vous, j'avais comme vous des inquiétudes avant d'aller voir Bernanke et les autres. Bernanke étant le président ou le directeur de la Federal Reserve System, c'est-à-dire de la Banque Centrale Américaine. C'est celui qui émet les dollars, qui fait tourner la planche à billets en dollars. Et donc, disait M. Patrick Artus, économiste, aujourd'hui économiste en chef à la banque Natixis, ces inquiétudes sont derrière nous. C'était en juin 2008. Hein. Donc, quelques semaines, trois mois avant le début de la crise, matérialisée le 15 septembre 2008 par la faillite de la banque Lehman Brothers. Et donc, quelques semaines avant, en juin 2008, Patrick Artus nous disait « Mais il n'y a plus rien à craindre. Les autorités financières américaines, ceux qui dirigent l'économie aux États-Unis, ont très bien compris le problème. Ils ont pris les choses en main et ils ont commencé à le régler. Il n'y a plus d'inquiétude à avoir. » Je veux dire que je suis un imbécile parce que le peu d'actions que j'avais, je les ai gardées au lieu de les vendre. Bon, donc j'en veux particulièrement à Patrick Artus. Vous l'avez cru ? Eh ben oui, je l'ai cru. Moi, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je n'avais pas encore rencontré Olivier Delamarche. Donc, mais vous auriez pu citer Christine Lagarde, qui a dû prendre le même avion. Oui, mais Christine Lagarde, évidemment, est suspecte. Étant ministre, elle est suspecte de pratiquer la méthode Coué, de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes possible et donc voter Sarkozy. Tandis que lui, il est censé être un économiste indépendant et connaissant la situation. Et donc, il a dit littéralement n'importe quoi. Alors bon, ça a continué. On nous a expliqué que la crise était réglée par les mesures exceptionnelles qui ont été prises à plusieurs reprises aux États-Unis et en Europe, à la fois au niveau des banques centrales et des gouvernements qui ont ouvert les vannes des dépenses publiques. Et puis, patatras, ces jours-ci, on nous dit que la Grèce n'est pas au bord du gouffre, qu'elle est déjà au fond, que sa faillite n'est qu'une question de temps, que l'Italie ne se porte pas très bien, que l'Espagne, le Portugal, l'Irlande ne vont pas bien. On s'interroge même sur la notation des États-Unis d'Amérique, parce que vous savez, chers amis auditeurs, je vous le rappelle si vous ne suivez pas attentivement l'actualité, c'est que les États et les entreprises, d'ailleurs, sont notés comme les enfants dans les écoles par des agences de notation qui les notent non pas de 0 à 20, mais 3A, c'est le mieux, et ensuite 3B, 3C, enfin bon, etc. Et que les taux d'intérêt qu'ils doivent payer sur le marché sont fonction de cette notation. Alors, j'aimerais, cher Olivier Delamarche, que vous répondiez à ce paradoxe. Pourquoi nous dit-on à la fois que tout est réglé, que la crise est derrière nous, et en même temps que nous sommes au bord du gouffre ? Écoutez, c'est simple. C'est en fait, personne ne va vous dire qu'on est au fond du gouffre parce que ça nous y précipiterait encore plus vite. Donc, les politiques ne sont jamais là pour essayer d'enfoncer la tête sous l'eau de la personne qui est en train de se noyer. De leur part, c'est pas étonnant d'entendre ce discours-là. Le discours de M. Patrick Artus n'est pas non plus étonnant. Ça fait 15 ans qu'il se trompe systématiquement. Et il continue, mais maintenant, personne ne lui en veut, puisque tout le monde est au courant. Et donc, il nous sert simplement d'indicateur contrariant. Donc, le problème est que je pense que tout le monde maintenant sait plus ou moins comment va se terminer cette histoire, mais... aujourd'hui, tout le monde cherche à gagner du temps parce que personne ne veut être, je pense, le responsable et personne ne veut laisser son nom dans l'histoire comme l'homme politique ou le président d'une banque centrale qui a fait sauter l'euro ou qui a fait sauter le dollar. Donc, à partir de ce moment-là, on cherche à gagner du temps. La seule chose que nos gouvernements économiques et politiques n'ont pas très bien compris, c'est que le temps coûte cher. Il coûte de plus en plus cher. Et que donc, si au lieu de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire repousser les problèmes il y a un an et demi, on avait pris les choses à bras-le-corps à ce moment-là, ça nous coûterait quelques 100 milliards de moins, au bas mot. Donc, rien que pour la Grèce. Hein. Donc, tout ça coûte très cher et l'attente coûte très, très cher. Donc, Il y a des raisons. Madame Merkel, notamment, traîne un peu les pieds, mais elle a raison de le faire. Elle a raison de traîner les pieds parce que on lui demande quelque chose qui n'est pas facile. On lui demande de payer pour tout le monde, ce qui n'est jamais très agréable. Et donc, elle traîne les pieds. Mais le problème aurait pu être réglé il y a un an et demi. Il y a un an et demi, on a occulté le problème. On a dit qu'il n'existait pas. On a utilisé une méthode qui, moi, me paraît tout à fait curieuse. Un État qui est déjà endetté, on lui a rajouté de la dette, histoire qu'il s'en sorte mieux. Ce qui est déjà un petit peu difficile à comprendre, et on s'étonne que ça ne marche pas. Donc, et de temps en temps, la bourse réagit en se disant que finalement, on va peut-être avoir des problèmes. Donc, on envoie à ce moment-là les taux grecs à 2 ans à 30%, on commence à s'affoler un peu sur l'Italie ou sur d'autres pays. Maintenant, l'Italie n'est pas vraiment le problème le plus crucial et le plus important. Pour moi, le plus important, c'est l'Espagne. Et l'Espagne, aujourd'hui, n'a toujours pas réglé son problème immobilier. Il y a en gros 3 millions de logements qui sont vides. En Espagne, c'est plus qu'aux États-Unis, pour un pays qui, de mémoire, ne fait pas le même nombre d'habitants que les États-Unis. Et donc, ils ont un vrai souci. Ça veut dire des créances pourries dans toutes les banques. Et ça veut dire un système bancaire espagnol qui, sans le dire aujourd'hui, est en faillite. Donc, là, on a un vrai problème parce que l'Espagne, c'est en PIB, ça n'a pas grand-chose à voir avec le PIB grec. Hein. Donc, vous avez une Grèce qui est en faillite, mais je dirais c'est à peu près contrôlable. Si on se met à sortir l'Espagne, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient beaucoup plus compliqué parce que les montants ne sont pas les mêmes. Hein, donc, tout de suite, on va là au-devant des problèmes. Mais tout ça, finalement, c'est pas quelque chose d'unique. L'Europe n'est pas dans un cas beaucoup plus difficile que les États-Unis. Au contraire. Si on regarde l'endettement américain, on se retrouve avec un endettement qui est pire que le grec. Alors vous allez me dire, l'économie grecque et l'économie américaine, c'est pas franchement la même chose, je suis d'accord. La seule chose, c'est que arrive un certain point où vous n'avez pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que, alors certains économistes ont calculé ça à hauteur de 90% d'endettement par rapport au PIB. Ça peut être 90, ça peut être 100, peu importe. Le Japon est à 200. Le Japon est à 225 et en passe de passer à 250. Mais les Japonais, je vais vous expliquer pourquoi, c'était un tout petit peu différent, parce que la dette japonaise était absorbée par les Japonais eux-mêmes, ce qui permettait de maintenir des taux assez bas par l'épargne japonaise. Pour vous donner une idée, le taux à 10 ans japonais est autour de 1,10-1,15. D'accord ? Aux États-Unis, le problème, c'est que vous aviez jusqu'à maintenant la dette qui était absorbée et financée par les pays émergents, notamment la Chine. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les Chinois, aujourd'hui, ont des réserves de change autour de 3 000 milliards de dollars, dont plus de la moitié qui sont en dollars. Et les Chinois, avec la politique de M. Bernanke, qui consiste quand même, quelque part, à en imprimer beaucoup des dollars, s'aperçoivent que leurs réserves de change fondent comme neige au soleil, évidemment, puisque c'est pas le genre de chose qui maintient le pouvoir d'achat, et donc aimeraient bien diversifier, aimeraient bien aller sur autre chose que du dollar, ce qui fait qu'ils achètent de l'or, qu'ils achètent des mines, qu'ils achètent pas mal de choses maintenant hors dollar, hors zone dollar. Mais le problème des Américains, c'est que jusqu'à maintenant, ils étaient financés par les Chinois, notamment par les Japonais aussi, qui achetaient de la dette américaine, un petit peu par les Européens, aussi par les pays arabes. Et que tout ça, c'est fini. Alors, pour différentes raisons. Les Chinois ne veulent plus, ils veulent diversifier. Les Européens, ils ont fort affaire avec les leurs de dettes. Ils vont pas en plus acheter les dettes américaines. Les Japonais, bon, depuis le tremblement de terre à Fukushima et ce qui leur est arrivé, ils seront plutôt en train de rapatrier les fonds qu'ils avaient placés en obligations américaines, en obligations d'État américaines. Et donc, et les pays arabes, ils ont vu quand même que on était prompt à saisir les comptes des anciens camarades de jeu. Et donc, je pense que ça leur a fait peur et qu'ils sont pas ravis d'aller acheter des obligations américaines aujourd'hui. Donc, finalement, vous avez les acheteurs qui diminuent en nombre et en quantité. Assez rapidement. Et puis, en face, maintenant, vous avez le plus gros détenteur de la dette américaine, hein, qui est devenu la Fed, elle-même. C'est la Banque centrale américaine. Voilà. Alors, c'est un jeu assez amusant qui se passe régulièrement, toutes les semaines, où vous avez le Trésor américain qui émet de la dette, donc qui émet des obligations, entre 5, 7 ans, 10 ans, peu importe. Et vous avez ce qu'on appelle aux États-Unis les primary dealers, hein, les primary dealers qui sont en fait les principales banques américaines, Goldman Sachs, JP Morgan, etc., qui se mettent en face du Trésor, donc qui achètent la dette pour normalement la revendre à des clients. La seule chose, c'est que c'est le normalement qui n'est plus normal aujourd'hui, puisque c'était le travail des SVT en France, les spécialistes en valeur du Trésor, qui achetaient comme ça la dette et qui la redonnaient à des clients en prenant un petit écart. Et bien là, aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça, c'est-à-dire que Goldman Sachs arrive à l'adjudication, prend une part de l'adjudication, et la semaine suivante, la redonne à la Fed avec un petit écart. Donc, c'est très bien pour Goldman Sachs, puisque ça lui fait un petit écart de cours. À son avantage. À son avantage. Mais en revanche, c'est quand même une poche différente, mais du même pantalon. Hein. C'est-à-dire le Trésor américain et la Fed, c'est quand même la même chose. Donc, alors, j'aimerais vous interroger, Olivier Delamarre, sur ce point précis. Radio Courtoisie. Radio Courtoisie. C'est le financement des déficits publics. Mmh. En France, bien avant l'euro, la tradition était que lorsque l'État avait un déficit, il se finançait directement auprès de la Banque de France. Donc le déficit public était directement monétisé. Et puis il y a eu une loi que de méchantes langues ont appelé loi Rothschild parce que Pompidou avait été fondé de pouvoir chez Rothschild, qui est la loi de 1973, qui a interdit à la Banque de France de financer directement le Trésor public. Ce qui veut dire que lorsque l'État, depuis cette date, avait emprunté, il devait emprunter auprès des banques. Cette interdiction a été appliquée ensuite à la Banque Centrale Européenne et à l'euro, après la Banque de France et le franc. Et sous réserve du comportement récent de la Banque Centrale Européenne, qui semble plutôt hérétique sur ce point, en règle générale, donc, quand les États européens actuellement ont un déficit, et ils ont un déficit, ils ne peuvent pas se faire financer directement par la Banque Centrale Européenne, ils empruntent auprès des banques, lesquelles se refinancent ensuite auprès de la Banque Centrale Européenne, d'autant plus facilement que la Banque Centrale Européenne veut relancer l'économie en période de crise économique. Ce qui veut dire que sans se fatiguer, la banque qui a emprunté à un peu plus de 0%, à 1%, là-bas je parle de la banque ordinaire, de la BNP, qui a emprunté à la Banque Centrale Européenne de Francfort à 1%, enfin je ne sais pas exactement le taux, vous me le direz, va ensuite reprêter au taux du marché 3 ou 4% à l'État. Et se fait une marge sans aucun risque, qui est très bien pour les banques, mais qui n'est pas excellente pour le contribuable. Alors, le système est maintenant adopté aux États-Unis. Vous venez de nous le dire à propos d'une banque parmi d'autres qui est la plus importante, Goldman Sachs, enfin, la plus influente. Que pensez-vous de ce système qui consiste en fait... qui a été inventé pour éviter les dérives inflationnistes censées résulter des déficits publics, mais qui en réalité sert essentiellement à augmenter les profits des banques. Olivier Delamarche. Non, ça ne sert pas à augmenter le profit des banques. Là, c'est le résultat. Ça sert simplement à imprimer des billets, c'est tout. La banque, en prêtant plus cher qu'elle n'emprunte, se fait une marge. Vous imprimez aujourd'hui des billets de banque, notamment en dollars, par centaines de milliards. Aujourd'hui, la Fed se retrouve de fait le principal détenteur de dettes américaines, au-dessus des Chinois. D'accord, faut le savoir. Vous êtes à 1000 de tête, vous êtes à 1800, 1900 milliards de dollars détenus par la Fed. Donc, ça sert à quoi tout ça? Ça sert simplement à créer du dollar de toutes pièces. Donc, c'est exactement comme si M. Bernanke descendait dans sa cave pour faire marcher son imprimante. Alors, Olivier Delamarche, pour serrer les problèmes pour les auditeurs de Radio Courtoisie, je voudrais que nous parlions maintenant, que vous nous expliquiez comment vous voyez la situation américaine et les conséquences pour le monde. Alors, l'actualité, c'est le désaccord entre le président Obama, son gouvernement d'une part, et les Républicains qui ont la majorité à la Chambre des représentants d'autre part, pour le relèvement du plafond de la dette. L'actualité, c'est aussi l'éventualité d'un relèvement de la facilité quantitative qui consiste à ouvrir les vannes de la planche à billets. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense, moi, enfin, là-dessus, je suis assez sceptique. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours le même jeu que jouent les marchés et que jouent les politiques, c'est le jeu de « on vous fait peur, on vous fait très très peur, on vous explique que si jamais c'est pas voté, c'est la fin du monde et qu'il va y avoir une déflagration mondiale, etc. » C'est ce qu'on avait fait pour la Grèce. C'est ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, pour les États-Unis. Alors, je crois qu'il y a déjà eu le cas sous Clinton, c'est-à-dire que les Républicains avaient refusé l'augmentation du plafond de la dette. Le résultat, c'est que pendant quelques jours ou quelques semaines, les États-Unis n'avaient pas été en faillite, mais ils avaient mis les fonctionnaires au chômage. Oui, mais sous Clinton, on n'était pas dans la même, configuration que maintenant. Hein. C'est-à-dire, sous Clinton, ça n'avait aucun effet, si vous voulez. Pendant trois jours, on n'a pas payé les fonctionnaires. On a fermé les parcs nationaux. Voilà, on a fermé les parcs nationaux. Il n'y avait pas grand risque. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même configuration. Et moi, j'ai quand même des doutes sur le fait l'intérêt politique qu'auraient les Républicains à ne pas voter ce relèvement, parce que, alors, on essaie de m'expliquer que les Républicains pourraient désigner Obama en disant que c'est de sa faute, mais c'est bien eux qui ne votent pas, donc ça serait d'abord de leur faute, et je pense que ça serait un gros avantage pour Obama. Donc maintenant, je peux me tromper, mais j'ai un peu l'impression qu'on est en train de nous refaire le coup de la Grèce. Hein. La Grèce, souvenez-vous, il y a quelques jours, on vous disait que si ça n'était pas voté, les budgets, enfin par le gouvernement, si ça n'était pas voté, à ce moment-là, ça serait sorti de la Grèce de l'euro, etc. Ça allait être épouvantable. Et puis, comme par hasard, alors on a fait les décomptes avant en disant « mais oui, mais la droite est gagnante, donc ça ne passera pas ». Et puis, comme par hasard, il y a un des députés de droite qui a été convaincu par les discours de M. Papandreou au dernier moment et qui a bien voté. Et donc, l'histoire est passée. Et à ce moment-là, le marché a poussé un grand ouf de soulagement. Donc, c'est un peu toujours la même méthode. On vous fait peur avant. On vous explique que vous êtes mort si jamais ça ne se fait pas. Et puis, comme par hasard, au dernier moment, à une voix près, ça passe. Et on vous dit « oh !» On n'est pas passé loin, on a failli mourir, mais finalement tout va bien. Christophe Beaumont, que pensez-vous de cette appréciation plutôt optimiste? Je voudrais relancer. Enfin, optimiste, en tout cas. Mais, de toute façon, optimiste pour Monsieur Obama. Non, mais en ce qui concerne le relèvement du plafond de la dette américaine, pensez-vous que les députés, les élus au Parlement américain du mouvement de la partie de T, traduction de l'anglais Tea Party, vont s'opposer, mordicus, et est-ce qu'ils ont les moyens d'entraîner avec eux une majorité suffisante de républicains pour que l'accord soit bloqué à la Chambre des représentants? Alors, arithmétiquement, non. Le mouvement de la partie de T reste minoritaire, structurellement, au sein On a même traduit Tea Party, vous voyez. Du parti républicain. Donc, s'il y a une espèce de grand accord type UMPS en France, forcément, il y aura donc... UMPS, expliquons quand même aux auditeurs de Radio Courtoisie qui sont nouveaux, que ça désigne dans l'esprit de certains, en tout cas, pas tout le monde. Un accord, le conglomérat UMP-PS. Et donc là, une espèce de conglomérat entre les démocrates et les républicains, du moins sur la gestion qui a lieu actuellement, qui est typiquement keynésienne. Mais il n'empêche que, visiblement, ça va donner une espèce de feu vert à quelque chose qui ne dit pas son nom, qui est un quantitative easing 3, donc une facilité financière. Facilité quantitative. Troisième cycle de facilité financière et monétaire. Mais on peut se poser la question, néanmoins, jusqu'où, puisque vous venez d'évoquer un certain nombre de clignotants qui sont sinon l'orange, du moins rouge. Plus personne, de moins en moins de monde se précipite ou se présente au guichet pour l'achat des obligations du Trésor américain. On le voit, les arguments qui ont été avancés au début de la crise sous une administration républicaine, du reste. Aucune différence. De toute façon, c'est toujours la banque Goldman Sachs depuis Clinton qui gouverne l'économie américaine. Donc. En tout cas, il n'y a pas de reprise. Le coût du pourcentage de reprise au regard du pourcentage de dette créée est complètement invraisemblable. Il est même aberrant. Le pauvre Keynes doit se retourner dans sa tombe. Bref, un certain nombre de données ont changé, à la fois sur le plan de la macroéconomie, sur le plan des échanges internationaux, c'est-à-dire que le dollar finalement créé ne circule pas comme le voudrait notre ami Bernanke. Et enfin, ça se retrécira dans une question, puisque cette fois-ci, visiblement, le plafond sera relevé. Il y aura Benjamin Bernanke est le président de la Banque centrale américaine, le Federal Reserve System. Mais alors, j'ai deux questions. La première, serait, croyez-vous qu'il y aura un quantitative easing 3? Ah oui, non, mais tout à fait. Enfin, facilité quantitative. Il semble dans les tuyaux. Et la deuxième chose qui ramène à la première, visiblement, Bernanke ne gère cette crise que par son obsession de 1929. Il veut y apporter exactement les mêmes solutions. Il a la prétention, je crois que c'est reconnu, d'une connaissance de ce qui s'est passé en défait de 1929, mais malheureusement l'histoire ne sert pas les plats exactement de la même façon. Puis les interprétations sont surtout controversées. Les Autrichiens, les économistes autrichiens ne sont pas du tout d'accord avec l'interprétation monétariste. Cette méthode, une solution durable en dehors des facilités de court terme. Et sinon, pouvez-vous nous dire ce qui a changé et pourquoi ça peut échouer? Olivier Delarche, réponse à la question de Christophe Beaumont pour les auditeurs de Radio Courtoisie. La première chose, c'est que, c'est un faux problème. Remonter le niveau du budget, le niveau de la dette plutôt, ou ne pas le remonter, finalement, je dirais, ça revient au même. C'est-à-dire que... on n'a pas du tout, c'est pas ça du tout qui va sauver les choses. C'est pas parce que quand vous avez quelqu'un qui est surendetté, c'est pas parce que vous remontez le plafond de sa dette que il va l'être moins. Donc déjà, c'est une façon curieuse de réfléchir et de penser. Donc, de toute façon, vote ou pas vote, s'il n'y a pas vote, il y aura vote quelques semaines ou quelques jours plus tard. Peu importe, je dirais, et de toute façon, ça ne règle pas le problème. Sur le quantitative easing, bien sûr qu'il va y avoir un quantitative easing 3. Une facilité, pardon. Facilité quantitative. Une facilité quantitative 3. Bien sûr, pour la bonne et simple raison que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que vous n'avez que la Fed qui peut acheter les bons du Trésor américain. Donc, pour ça, il faut qu'elle ait des sous. Il faut qu'elle ait les moyens de le faire. Donc, elle n'est pas obligée de faire comme pour les deux opérations précédentes, c'est-à-dire de racheter sur le marché secondaire les bons du Trésor américain massivement, comme elle l'avait fait. Pour créer l'inflation directement. Mais elle les rachète pas sur le marché secondaire, elle les rachète sur le marché primaire. Elle fait les deux. Oui, mais elle les rachète sur le marché primaire. Or là, vous avez eu un retard assez important d'adjudication, justement, puisqu'on n'avait pas relevé le plafond de la dette. Donc, on a pris du retard. Ce qui veut dire que Là, sur les derniers mois, c'est-à-dire si c'est voté, imaginons le 2 août, sur août, septembre, octobre, novembre, décembre, vous allez être obligé, enfin l'État américain va être obligé d'émettre beaucoup plus que l'année dernière. Or, si vous n'avez pas de quantitative easing, la Fed ne pourra pas absorber les adjudications de bons du Trésor américain. Donc, fin de l'histoire. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut quand même bien voir que Bernanke aujourd'hui doit non seulement racheter les obligations qui sont émises aux États-Unis, racheter un peu de secondaire, mais en plus de ça, il faut qu'il soutienne le marché action. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de volume sur le Standard & Poor's aujourd'hui aux États-Unis. Mais il l'a dit clairement. Vous avez un poste dans la banque centrale américaine qui fait à peu près 130, qui faisait à peu près il y a quelques semaines 135 milliards de dollars. Et ce poste, on soupçonne fortement que ce soit des achats de futurs américains pour faire monter le Standard & Poor's, ou en tout cas pour le tenir, pour empêcher qu'il descende. Pourquoi ? Bah parce que c'est le dernier. Finalement, c'est la seule chose sur laquelle il a un tout petit peu de pouvoir. Parce que vous n'avez pas de volume, donc ce n'est pas très difficile de se mettre en face du marché. Si, attendez, mais est-ce que c'est le rôle d'une banque centrale de soutenir le cours de bourse ? Non, ce n'est pas le rôle. Là, vous m'inquiétez. Mais ce n'est pas le rôle non plus de racheter les adjudications de bons du Trésor américain. Ça n'a jamais été son rôle. Alors, quel jugement portez-vous sur la politique suivie par Bernanke après Greenspan ? Je rappelle que ce sont les deux présidents de la banque centrale américaine qui se sont succédés depuis 10 ans. Tout à fait. Alors, tout simplement d'une politique de taux bas systématique. Oui. Alors non. Bernanke, quand il a été élu, on a fait un papier chez Platinum Gestion en disant que c'était un crétin. Après, ça s'est confirmé malheureusement. Ce crétin est dangereux. Et oui, il est extrêmement dangereux. Il est aux commandes. J'avais fait une comparaison en mettant Ben Laden égale Ben Bernanke. Pourquoi ? Bah parce qu'il est beaucoup plus efficace, malheureusement, que Ben Laden. Il a à son actif quand même les soulèvements du Moyen-Orient. C'est pas par hasard. Ben Laden ou Bernanke ? Bernanke. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec ses politiques de quantitative easing, la seule chose qu'il a réussi réellement à faire, c'est à faire monter le prix des matières premières, dont les matières premières alimentaires. D'accord, vous en conclurez ce que vous voudrez, mais s'il y a des gens qui ont faim aujourd'hui... C'est un infameur du peuple. Je traduis ce que vous venez de dire. Oui. Non, attendez. Non, mais réellement, c'est un infameur du peuple. La radio courtoisie, nous pratiquons pas la langue de bois. On sait très bien. Alors ça, c'est très clair. Il a dit d'ailleurs qu'il savait pas d'où ça venait, la hausse des matières premières. Mais moi, je peux lui dire d'où ça vient. Ça vient de sa politique. Quand vous donnez gratuitement, quand vous distribuez gratuitement de l'argent à des banques, faut bien s'imaginer qu'elles vont en faire quelque chose. Elles en font quoi ? Ben elles achètent avec ça des contrats sur les matières premières. Et ça se voit de façon très claire, notamment sur le pétrole. Il ne savait pas pourquoi ça montait le pétrole, Bernanke, il y a quelques mois. Il avait dit « je ne comprends pas ». Bon, ben écoutez, je vais lui expliquer. C'est pas très compliqué. Quand le pétrole était monté à 140, 145 dollars le baril en 2008... Il était monté et à ce moment-là, on n'avait absolument aucun volume sur les contrats futurs. C'est-à-dire que tout se passait sur le spot, en livraison physique. D'accord ? Depuis le quantitative easing, curieusement, on voit les volumes se gonfler de façon totalement anormale sur les futurs. Alors de là, penser que le quantitative easing aide à acheter des contrats sur le futur, il n'y a pas loin quand même. Donc... je peux expliquer à M. Bernanke pourquoi les matières premières montent et pourquoi, s'il fait son quantitative easing numéro 3, dont j'ai parlé en disant qu'il ne pouvait de toute façon pas faire autrement, vous allez assister à une hausse assez forte des matières premières. Alors, je traduis pour les auditeurs de Radio Courtoisie, quantitative easing, ça veut dire facilité quantitative, facilitation quantitative, ça veut dire que la Banque centrale fait tourner la planche à billets. En fait, en français courant, c'est la planche à billets, le quantitative easing. Purement et simplement. Simplement un terme savant pour dire la planche à billets, on émet de la monnaie, on crée de la monnaie à partir de ex nihilo, à partir de rien. Oui, bah, vous savez, c'était quand même pas très politiquement correct d'appeler, de dire planche à billets. Il a fallu trouver un terme un petit peu plus pompeux. Alors, nous allons peut-être donner la parole à nos auditeurs. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Chère Sophie. La Chine, très grand créancier des pays occidentaux, laissera-t-elle faire ce désastre qui l'appauvrirait ? Un auditeur, hier dans l'émission de Didier Rochard, il avait invité un expert économiste, M. Jovanovic. Le spécialiste présent ce soir connaît-il cet économiste ? Que pense-t-il de lui et de ses analyses ? Un auditeur, Sarkozy a vendu notre or quand il était ministre des Finances. Quelle est sa part de responsabilité dans la crise actuelle ? Quel impact cette crise aura-t-elle sur les présidentielles françaises et américaines et les législatives allemandes ? Un auditeur, la Banque fédérale américaine n'est pas une banque centrale. Contrairement à ce qui est dit, elle n'est ni fédérale, ni une réserve, c'est un consortium de banques privées. Un auditeur, le CAC 40 a perdu 400 points en quelques jours. Pensez-vous que nous sommes arrivés à un point bas sur les marchés ? Sur les forums de Boursorama, les évocations de M. Delamarche sont régulièrement censurées par les modérateurs des forums de ce site. Êtes-vous persona non grata dans la haute finance ? Un auditeur, que pensez-vous ? Boursorama, ce n'est pas franchement la haute finance. Un auditeur, que pensez-vous des prévisions de ce monsieur du CAC 40 à 2600 points ? Un auditeur, il est choquant que l'avenir d'un pays dépende d'une note d'une agence plus ou moins honnête et indépendante. Un auditeur, quelques jours avant la désignation de Christine Lagarde à la direction générale du FMI, sur une radio périphérique, elle avait formulé une déclaration très peu répétée par la suite et pour cause. Cette déclaration était la suivante. Pour que le traité de Lisbonne soit adopté, nous avons violé toutes les règles en vigueur, mais il fallait absolument sauver l'euro. Connaissez-vous cette déclaration très impertinente ? Et dans l'affirmative, peut-on la retrouver sur un journal ou un site ? Et le cas échéant, lequel ? Alors ça fait plusieurs questions évidemment qui vont dans des sens variés. Peut-être commencer par Christine Lagarde, c'est-à-dire par la dernière question, ou bien enfin, comme vous voulez. Christine Lagarde, qui a que oui, enfin on peut quand même constater que c'est un dogme le sauvetage de l'euro. Hein. Ils n'arrivent pas. Vous n'adhérez pas à ce dogme ? Non, pas du tout. Enfin moi je fais partie de ceux qui ont voter contre l'euro et je continuerai parce que c'est pas contre l'euro, c'est contre la façon dont il a été fait. C'est-à-dire que aujourd'hui on est en train de payer le prix d'un mauvais montage de l'euro. Vous ne pouvez pas, quand vous montez une monnaie commune, vous ne pouvez pas intégrer des pays qui ont des modèles qui sont à l'opposé les uns des autres. La Grèce, je dis toujours, j'avais dit ça les premiers jours des attaques sur les obligations grecques. J'avais dit, comment voulez-vous que les Grecs remboursent en vendant de la feta et de l'huile d'olive ? C'est ça l'économie grecque, hein. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que vous avez le tourisme. Vous avez la feta, Salakis, au bon lait de brebis, mais c'est pas grand-chose, et vous avez l'huile d'olive. Ben avec ça, vous faites pas une économie. Et vous faites sûrement pas une économie qui est capable de rembourser quand vous avez 150% de dette du PIB à des taux quels qu'ils soient. Pour la bonne et simple raison, il faut quand même comprendre que quand vous êtes endetté à 150%, ne serait-ce qu'à 3% de taux d'intérêt, d'accord, 150%, ça fait 4,5% par an de votre PIB pour payer les intérêts, pas pour rembourser la dette, pour simplement payer les intérêts. Or, est-ce que vous pensez que la Grèce peut se targuer d'avoir une croissance de 4,5% de son PIB par an ? Ça n'existe pas. Vous ne l'avez jamais eu. Et vous ne l'auriez même pas en France. Si je prends votre analyse sur ce point, c'est donc que les Japonais qui sont à 250% à 1,5%, donc ça fait pareil. Ils n'ont pas de croissance depuis 20 ans. Donc ils sont en croissance négative, comme on dit actuellement. Non, pas négative. Non, ils sont en croissance stagnante. Non, ils sont à zéro depuis 20 ans. C'est-à-dire que vous prenez le PIB il y a 20 ans, vous prenez le PIB d'aujourd'hui, ils ont fait 0% de croissance. Mais grâce, ça, mais grâce ça à cause de leur endettement. Alors, mais certains économistes nous expliquent sérieusement que grâce à la catastrophe du raz-de-marée de Fukushima, il va y avoir une grande relance de l'économie à cause de la reconstruction. Oui, alors c'est extraordinaire. Les économistes réputés. Oui, enfin réputés, vous savez, ils sont réputés crétins avant d'être réputés économistes. Franchement, c'est aberrant. C'est vrai, non, mais vous l'avez lu comme oui, moi. Oui, mais tout à fait. Il y en a. Je ne citerai pas les noms, mais ne vous gênez pas. Il y en a une tripotée. Mais vous pouvez pas dire un truc comme ça, parce que autant vous parleriez d'un pays qui a zéro dette, à qui il arrive un problème comme ça, qui détruit un certain nombre de choses. Et là, vous pouvez, en effet, peut-être vous dire que le fait de reconstruire va amener de la croissance. À ce moment-là, si on en est sûr, détruisons la Californie, envoyons une petite bombe nucléaire sur la Californie, comme ça, on aura peut-être de la croissance aux États-Unis. Faut arrêter les bêtises. Il fallait pas assassiner Ben Laden, il aurait fait. Non, mais franchement, c'est... Comment peut-on être aussi crétin que ça, de dire des trucs pareils, alors que vous avez un pays qui est endetté à 225%, qui va, pour essayer de se reconstruire, probablement passer à 250 ou à 275% d'endettement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une population qui est vieillissante au Japon, qui ne va plus pouvoir, très bientôt, absorber un tel montant de dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, les Japonais vont être obligés d'aller sur le marché international pour aller placer leurs dettes. Et là, je peux vous dire que les Goldman Sachs et compagnie, ils ont beau donner des conseils en disant qu'il faut acheter le Nikkei, à ce moment-là... Le Nikkei, c'est-à-dire l'indice japonais. Voilà. À ce moment-là, ils n'achèteront pas la dette japonaise. Pas à ces taux-là. Ils vont accepter de l'acheter... mais avec des taux à 3, 4, 5%. Et quand vous êtes endetté à 250%, faites le calcul, 250 fois 4%, vous voyez ce que ça peut donner. Alors, je voudrais dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que cette remarque sur les économistes imbéciles et fous qui estiment que ce raz-de-marée et cette catastrophe nucléaire est une excellente chose pour la croissance japonaise, c'est très significatif en réalité, car ils ne font que pousser à l'extrême la théorie keynésienne, c'est-à-dire la théorie énoncée par John Maynard Keynes en 1936 dans sa théorie générale de l'économie de l'intérêt et de l'emploi. Destruction créatrice. Destruction créatrice, c'est autre chose, c'est Schumpeter. C'est complètement différent. Non, c'est la Tennessee Valley. La thèse de Keynes n'est pas celle-là. La thèse de Keynes, c'est que l'augmentation des dépenses publiques est bonne pour l'économie. Dès qu'il y a un peu de chômage, il faut augmenter les dépenses publiques ou réduire les recettes, augmenter le déficit pour relancer l'économie. Bien. Et d'ailleurs, Keynes dit expressément, dans sa théorie générale de 1936, que pour relancer l'économie, on peut payer des ouvriers, l'État peut payer des ouvriers à creuser des trous et à les reboucher ensuite. Ça va relancer l'économie. Bah, c'est ce que propose le Premier ministre hongrois, ou le Président. Puisqu'il ne dit pas de mal de M. Orban, qui est critiqué par Le Monde, ce qui prouve qu'il ne doit pas être si mauvais que ça. Bon, donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, une grande partie des économistes sont keynésiens, et adhèrent à cette théorie folle qui disent que l'augmentation des déficits publics est une excellente chose, et que d'ailleurs, ces théories folles qui vont à la rencontre de la démagogie des hommes politiques, qui adorent dépenser, ont été mises en œuvre avec une ardeur particulière après la crise de 2008, en France et partout dans le monde, et notamment aux États-Unis. Bon. Vous comprenez pourquoi j'ai eu envie d'inviter un esprit indépendant qui est Olivier Delamarche, qui ne tombe pas dans les ornières de l'économiquement correct et qui, lui, avec un robuste bon sens et beaucoup d'esprit d'observation, nous dit ce qu'il faut penser pour ne pas se tromper de la situation économique. Voilà. Alors revenons aux questions des auditeurs. Sur les agences de notation... Sur les agences de notation, je dirais, il faut arrêter aussi d'essayer de casser le thermomètre et de penser que ça va faire baisser la fièvre. Les agences de notation, elles arrivent toujours après la bataille. pour constater ce que le marché dit souvent depuis un moment. Donc, très franchement, je dirais qu'on pourrait très bien s'en passer, d'ailleurs. Ça n'a pas grand intérêt. Et si les marchés faisaient leur boulot, notamment le marché actions, les autres marchés ont tendance à le faire assez rapidement, mais le marché obligataire notamment. Mais le marché actions, lui, ne fait pas son boulot. Alors, son boulot, c'est quoi ? C'est notamment de donner un prix à des actifs. C'est ça, le boulot d'un marché actions. Et là, aujourd'hui, il ne le fait pas, ou il le fait mal. Et donc, sans aucune anticipation, réagissant à des chiffres, etc., réagissant à des nouvelles données par les agences de notation. Mais s'il anticipait un peu les choses, et si on ne le mettait pas systématiquement devant le fait accompli, à ce moment-là, vous n'auriez pas de problème d'agence de notation. Une fois, j'avais entendu tout le monde crier sur le fait que... je ne sais plus quelle agence de notation avait... Il n'y en a pas tellement, donc vous avez une chance. Avait dégradé à 17h25 ou à 17h30 pendant le fixing. Et donc, ça, c'était scandaleux parce que ça n'avait permis à personne de réagir, etc. Mais enfin, si le marché faisait son boulot, c'est-à-dire constater ce qui se passait sur les marchés obligataires et s'ajuster à ce moment-là, vous n'auriez pas eu de réaction. Donc, franchement, je pense que c'est un faux problème. On cherche toujours un responsable. C'est très français, ça. On cherche toujours un responsable. Alors, vous avez les fonds vautours qui attaquent de façon délibérée les obligations des PIX. Vous avez les agences de notation. Tout ça, honnêtement, c'est pas le problème. L'agence de notation, elle vient vous dire après. Une fois que la Grèce est complètement en défaut, elle vient vous dire « Ah ben oui, j'abaisse la note grecque ». Oui, bon, bah, vous trouve, pour une fois, cher Olivier Delamarche, bien indulgent envers les agences de notation, parce que vous les qualifiez de thermomètres. Alors moi, j'ai des souvenirs cuisants d'un thermomètre qui ne fonctionnait pas de très bien. De mauvais thermomètre. C'est-à-dire, le thermomètre indiquait une excellente santé pour la Corée du Sud... Je crois que c'était en 1997, quelques jours, la veille de la faillite de la Corée du Sud. Bon. En particulier parce que la Corée du Sud avait, comme beaucoup d'États le font, et pas seulement la Grèce, truqué ses chiffres. Et on l'a su trop tard. Mais les agences de notation auraient dû avoir pour métier, justement, de détecter ces trucages. Mais c'est ce que je vous dis. Enron, la société Enron. Tout à fait. Non, catastrophe exemplaire. Elle avait les meilleures notes qui soient. Elle avait l'approbation... du grand cabinet Arthur Andersen, qui a fait faillite à la suite d'ailleurs du scandale. Excusez-moi, je ne sais pas si vous aviez planché sur Enron, mais aucun analyste financier n'avait, sauf peut-être quelques rares exceptions, n'avait découvert les turpitudes d'Enron. Et c'était un château de cartes qui s'est effondré. La veille de l'effondrement, les agences de notation, le fameux thermomètre, indiquait une excellente santé. Oui. Alors donc, comment peut-on croire les agences de notation après des échecs pareils? Non, mais c'est ce que je vous dis, c'est qu'elles arrivent après la bataille, donc c'est pour ça que ça n'a aucun intérêt. Donc elles ne servent à rien. Oui, mais on est d'accord, mais je ne dis pas du tout qu'elles servent à quelque chose, je dis simplement que ce ne sont en aucun cas les responsables de ce qui arrive. Les responsables de ce qui arrive, c'est les politiques économiques qu'on a depuis 10 ans et seulement eux, et pas les agences de notation. Les agences de notation, elles arrivent après la bataille, on est d'accord, pour nous dire ce que normalement on devrait tous savoir depuis très longtemps. Donc ça n'a pas grand intérêt. Alors je réponds à cet auditeur de Radio Courtoisie qui nous dit que la Banque fédérale américaine n'est pas une banque centrale et qu'elle n'est pas fédérale. Il se trompe, quel que soit... son statut juridique, effectivement, c'est un consortium de banques privées. Il n'empêche que sa fonction est bien celle d'être une banque fédérale et d'être une banque centrale. Indiscutablement, c'est ce qu'on appelle une banque centrale. C'est elle qui émet la monnaie banque centrale, la monnaie de dernier ressort. Donc c'est bien une banque centrale. Peu importe, en l'occurrence, dans cette définition, qu'elle soit un consortium de banques privées, ce qui, en revanche, pose quand même des questions sur son fonctionnement. Alors, Olivier Delamarche, êtes-vous l'objet de la vindicte de certains sur les oui. forums? Est-ce exact? Oui, êtes-vous persécuté? Non, je ne suis pas persécuté. Cherche-t-on à vous faire taire et à vous bâillonner? Non, vous avez toujours quelques excités qui m'envoie des mails ou qui des courriels vous voulez dire qui ouais. s'exprime pardon des courriels ou qui s'exprime sur les forums ça n'a pas grand intérêt voilà enfin bon faut les laisser je peux pas plaire à tout le monde je peux pas être ami avec tout le monde il y a plusieurs milliards d'êtres humains je ne me contenterai que de quelques-uns voilà et bien, je pense j'espère que vous aurez maintenant de nouveaux amis parmi les auditeurs de Radio Courtoisie alors sur les le même auditeur vous demandait vous dites, vous disiez, mais le CAC 40 a perdu 400 points en quelques jours. Pensez-vous que nous sommes arrivés à un point bas sur les marchés ? Alors ça, non. C'est la question. Alors les Américains et les Anglo-Saxons en général divisent les boursiers, ceux qui atterrissent sur le marché, en deux catégories, les taureaux et les ours. Je ne le dirai pas en anglais. Les taureaux sont ceux qui foncent, qui pensent qu'il faut acheter parce que le marché est porteur. Et les ours, ils sont un petit peu plus frileux et ils pensent qu'il faut vendre. Alors êtes-vous un ours ou un taureau ? Bah écoutez, je suis un ours. Les taureaux, je ne sais pas si vous avez vu des corridas, mais ça finit souvent mal. Hein. Donc généralement, ils n'ont plus leurs oreilles ni leur queue, et donc c'est compliqué pour eux. L'ours finit rarement dans cette configuration-là. Donc non, je suis plutôt un ours. Je suis pas un ours par plaisir ou par destination, je dirais. Je aujourd'hui, c'est un fait. Les marchés actions ne donnent pas le bon prix aux actions, que ce soit les marchés actions américains, que ce soit les marchés actions japonais ou que ce soit les marchés actions européens. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur des prix qui sont des prix corrects. Pourquoi ? Et pourquoi c'est pas fini avec 400 points ? Je sais que tous les stratégistes en début d'année annonçaient à peu près 15% d'augmentation sur tous les indices. Hein. Mais ça c'est toujours le cas, c'est-à-dire voilà. Que les annonces tous des les analystes en moyenne, pas vous, mais en moyenne, sont toujours supérieures à l'évolution des marchés, presque toujours. Et ils disent aussi que le cours des actions aujourd'hui n'est pas cher si on compare le prix. Alors voilà, des bénéfices. Mais c'est justement ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait tout ceci est faux. C'est quoi le cours d'une action ? C'est les résultats de la société avec un multiple. Le résultat de la société, côté résultat, je dirais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas vraiment de problème. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont extrêmement bien fait leur travail. C'est-à-dire que dès le début de la crise... je ne parle pas des banques, hein, je mets les banques de côté, parce que c'est une industrie assez particulière. Je parle des sociétés industrielles. Les sociétés industrielles, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, ont très vite licencié et par là même fait des gains de productivité assez importants. Dès 2008. Ce qui leur a permis, ces gains de productivité, ce qui leur a permis d'augmenter de façon tout à fait extraordinaire leur marge brute. Leur marge brute qui est calculée, alors c'est l'excédent brut d'exploitation sur la valeur ajoutée. Et là, vous apercevez que... on était sur des zones de... je crois que la zone maximale avait été atteinte en 66. En 1966, on avait fait 31% de mémoire sur cette marge. Et là, on l'a dépassé allègrement. Et mis à part la petite baisse qu'il y a eu, mais qui a été tout à fait... insignifiante, je dirais, au regard de la crise. En 2008, vous êtes tombé à 27%. Et puis, vous êtes remonté tout de suite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises sont bien gérées. Alors, vous allez me dire, pas pour celui qui est licencié, oui, ça, d'accord, mais au niveau économique, l'entreprise est bien gérée. Mais le problème principal, c'est que ça a un revers. Il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est quoi ? Ben, c'est un taux de chômage hors norme. Et c'est un taux de chômage qui est en train de devenir structurel et non pas conjoncturel. C'est-à-dire que c'est le brevet aussi de l'externalisation ou l'expatriation de certaines sociétés. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'aux États-Unis, vous êtes monté à un taux de chômage qui est record. Vous êtes, selon la Fed, à 17% de chômeurs. Attention, on vous donne le chiffre de 9% en général, mais ça ne compte pas les gens qui n'ont plus d'indemnité chômage. Or, au bout de 26 semaines, c'est fini, hein, aux États-Unis. Donc, si vous rajoutez, ça c'est les chiffres de la Fed, c'est pas les miens, si vous rajoutez les gens qui sont sortis du système d'indemnisation, etc., vous tombez sur un chiffre qui est de 17%. Alors après, vous avez la base de la population active qui diminue et qui n'a jamais été aussi basse. Donc autrement dit, je crois que le sénateur Ron Paul avait dit que le taux de chômage aux États-Unis était plus proche de 20%. C'est une possibilité. Ça fait un Américain sur 5 quand même. Hein. Quand vous dites donc, la base, ce n'est pas une chute démographique. C'est simplement les personnes qui ne se présentent pas sur le marché du travail parce que les gens pas qui sortent. Voilà. Pour une raison X ou Y, mais c'est les gens qui sont découragés de demander du travail. Et donc, vous avez un taux de chômage qui est historiquement très élevé. On a vu que Bernanke avait une drôle d'idée qui était de dire qu'en achetant des obligations, il allait faire baisser le chômage. Moi, je n'avais jamais très bien compris la liaison, mais enfin, il avait sûrement, puisqu'il disait que le quantitative easing allait faire baisser le chômage. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment, en achetant des obligations, on pouvait faire baisser le chômage, mais il avait sûrement une idée derrière la tête que je ne connais pas. Mais aujourd'hui, vous avez un taux de chômage qui est anormalement élevé. Et puis, on sait très bien que ce taux de chômage va revenir par les chiffres d'affaires, hein, puisque ça fait des consommateurs en moins. Donc, au bout d'un moment, la consommation risque de chuter risque de chuter assez fortement, d'autant plus que pour l'instant, c'était à peu près maintenu par vous savez, le prolongement des aides Bush, c'est-à-dire en fait qu'on faisait des chèques tout simplement assez régulièrement tous les trimestres aux Américains pour leur pour baisser les impôts et donc c'était des aides qui avaient été instaurées par Bush et que M. Obama a continué. Donc une fois que tout ça c'est fini. Ça devient plus problématique de consommer. Et donc là, tout ça pour vous dire que pour l'instant, les résultats sont encore bons. Encore bons. On assiste quand même à un début de modération sur les chiffres d'affaires, un début de baisse des marges. Donc on sent que l'activité a basculé. Mais pour l'instant, les résultats restent encore de bonne facture. Vous parlez de la France ou des États-Unis ou de l'ensemble des États-Unis et de la France, pareil. L'ensemble du monde occidental. Oui. Et donc, il faut voir de l'autre côté. Il faut voir le côté multiple, puisque les résultats restent à peu près bons. Allons voir du côté multiple. Et là, du côté multiple, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que, évidemment, vous avez ce discours de tous les stratégistes qui vous disent mais le marché n'est pas cher. Pourquoi ? Ben parce que tout simplement, ils prennent en référence ce qu'ils connaissent. Alors ce qu'ils connaissent, c'est ils regardent sur les 20 dernières années. Sur les 20 dernières années, vous avez des crises économiques, vous avez un cycle normal, tout à fait normal. Vous avez des crises, on sort de la crise au bout d'un an. Ensuite, vous avez 3 ans de croissance, vous avez un plateau, votre cycle il dure à peu près 5 ans, et puis ça redescend, etc. Parce que on arrive à un certain moment, quand vous êtes en haut de cycle, vous créez des tensions, tensions sur le marché de l'emploi, tensions sur qui font démarrer l'inflation, et en général à ce moment-là, les banques centrales montent les taux pour faire ralentir un peu les choses, mettre un peu d'eau sur le feu, et donc vous aboutissez à une récession, mais qui est entre guillemets une récession voulue par la banque centrale pour calmer le jeu. Si vous essayez, je comparerais ça à un tuyau, si vous essayez de faire passer 2 mètres cubes seconde dans un tuyau qui en accepte qu'un, au bout d'un moment, votre tuyau risque d'avoir des ennuis. Donc, il faut quelqu'un qui ferme le robinet. Voilà, pour que l'écoulement se fasse plus facilement. Donc là, aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a vécu une période où on a eu des taux de croissance qui étaient énormes, des taux de croissance de l'ordre de 6% aux États-Unis, 5,5%, 6%. Or, c'est une croissance qui est trop forte et qui crée des déséquilibres. Et donc, à ce moment-là, il faut revenir à un taux de croissance qui a été dû au levier des banques, qui a été dû à l'endettement. Mais il faut revenir à un moment à un taux de croissance qui est plus normatif et plus acceptable. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ces gens qui vous disent « le marché n'est pas cher », en fait, ils ont un référentiel qui est un référentiel qu'ils n'ont pas modifié depuis la crise, qui est un référentiel qui leur dit en gros à 15 de multiples, vous êtes sur le haut de fourchette, à 12 vous êtes plutôt en bas de fourchette, et donc ils vous disent aujourd'hui on est pas cher. Oui, si la situation était la même. Maintenant la situation elle est pas du tout la même, et aujourd'hui on est en train de changer de référentiel, et c'est ça que les marchés surtout actions n'ont pas compris. C'est que vous n'avez pas le même environnement de risque aujourd'hui que vous aviez dans le passé. Vous n'avez pas le même endettement des États que vous aviez dans le passé, et vous n'avez pas le même endettement des ménages que vous aviez dans le passé. Donc aujourd'hui, la situation est cruellement sortie de son trend, quoi, si vous voulez. De sa tendance. De sa tendance. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus avoir les mêmes multiples qu'avant. Il faut réfléchir autrement, il faut essayer de se demander maintenant dans quelle tendance on va intégrer. Le multiple dont parle Olivier Delamarche, c'est le rapport, enfin c'est le multiple entre les résultats de l'entreprise et le cours de l'action. Voilà. C'est le rapport action. C'est ce qu'on appelle en anglais le price earning. Le rapport court-bénéfice. Voilà. Et donc, ce multiple aujourd'hui, moi, vu les risques qu'on a sur le marché, vu le potentiel de croissance qu'on a aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ou encore au Japon, quand on a des potentiels de croissance qui sont largement divisés par deux par rapport à ce qu'on avait avant, aujourd'hui, vous ne pouvez plus payer les actions le même prix que ce que vous les payez avant. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que très probablement, on va se retrouver dans une situation peut-être plutôt ce qu'on a connu dans les années 70, c'est-à-dire des multiples qui sont plutôt entre 7 et 10, plutôt qu'entre 12 et 15. Et si vous appliquez ces multiples aujourd'hui aux résultats des sociétés, bah vous vous retrouvez plutôt à 2500 sur le CAC qu'à 4500. Une décote de 30 à 40%. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, deux remarques, Olivier Delamarche, sur ce que vous venez de dire. Deux remarques. La première remarque, c'est que la politique traditionnelle de la Banque centrale que vous avez décrite, qui consiste à relever les taux d'intérêt lorsqu'il y a trop d'inflation, a été suivie il y a bien longtemps aux États-Unis par Volcker, le prédécesseur de Greenspan, Paul Volcker, qui était donc à l'époque le président de la Banque centrale américaine. Et en 1979, il a fait monter les taux d'intérêt à court terme à près de 19%, oui. 19-20%, pour casser l'inflation. Oui, tout à fait. Seulement ensuite, il y avait un phénomène nouveau, dû sans doute à la mondialisation, en tout cas certains le disent, qui est que l'inflation, au lieu de se porter sur les indices de prix, des biens de consommation, des biens finaux, s'est portée sur le prix des actifs, notamment d'ailleurs des actions, mais aussi des immeubles. Et à partir de ce moment-là, cet indicateur d'inflation n'a pas incité la Banque centrale à restreindre l'offre de crédit et donc à faire monter les taux d'intérêt. Donc, lorsqu'il y a eu des difficultés boursières, à chaque fois, la Banque centrale américaine, avec M. Greenspan et ensuite avec M. Bernanke, a rouvert les vannes du crédit. Et plus la crise était importante, plus elle rouvrait les vannes du crédit et plus elle créait de monnaie. L'extrême ayant été atteint avec M. Bernanke depuis la crise du 15 septembre 2008. Deuxième observation, M. Bernanke, vous avez expliqué pourquoi sa politique était discutable, pour ne pas dire plus. C'est un économiste tendance monétariste, donc il est disciple de Milton Friedman, qui a fait des études universitaires sur la crise de 1929. Et l'analyse monétariste de Milton Friedman est que la faute de la crise, en tout cas la faute de la gravité de la crise après 1929, incombe à la Banque centrale américaine à l'époque, qui a laissé la masse monétaire diminuer d'un tiers. Et la conclusion, c'est que si... Alors c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? La fameuse contraction et la peur de la déflation. Alors, la thèse de Friedman, reprise par Bernanke, c'est que si la Banque centrale américaine avait empêché la diminution énorme, un tiers de la banque centrale, de la masse monétaire, à ce moment-là, par la Banque centrale, à ce moment-là, on n'aurait pas eu la crise, en tout cas, on n'aurait pas eu une crise aussi grave. Bon, alors c'est ce qu'ils ont fait depuis 2008, ils ont empêché, évidemment. Alors, on nous a parlé de risques systémiques, on a permis à Lehman Brothers de tomber en faillite, mais pas aux autres. Et donc, on a fait la fameuse facilité quantitative. Donc, on a, au contraire, on a augmenté énormément la masse monétaire et on a fait l'inverse. Bon. Et selon les préceptes monétaristes de Milton Friedman et de M. Bernanke, ça aurait dû provoquer un redressement, non seulement la fin de la crise, mais un redressement de l'économie et la reprise de l'activité économique et la réduction du chômage. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc, on peut commencer à se dire, parce qu'après tout, l'économie est une science expérimentale, que les analyses monétaristes n'étaient pas justes, puisqu'elles sont démenties par les faits. Alors, l'économie est une science expérimentale, les monétaristes n'avaient pas encore fait leur théorie et n'étaient pas aux commandes en 1929, mais maintenant ils sont aux commandes et ils ont fait leur théorie, ils les appliquent et ça ne marche pas. Bon, donc c'est que leur théorie n'est pas bonne. Enfin, vous allez me dire que ma déduction est peut-être simpliste, mais il me semble qu'elle s'impose quand on veut regarder les faits. Voilà ce que je voulais dire avant de demander à Sophie de nous lire les messages des auditeurs de Radio Courtoisie. Il y a de nombreux messages. Une auditrice, le chef de l'État n'avait pas à toucher à notre or sans notre avis. Cette action ne relève pas de ses compétences. Un auditeur, peut-on espérer ou craindre un krach de l'immobilier en France, sachant que c'est le seul actif en France à ne pas avoir corrigé comme dans d'autres pays ? Un auditeur voudrait savoir ce que veut dire l'industrie bancaire. Un auditeur, les notations des pays. En ce qui concerne les notations des pays, la France est bien notée parce que l'on est dans un État socialiste. La situation financière de la France est pire que celle de la Grèce en réalité. Un auditeur, la BNP, qui est une puissance certaine, a perdu 17% de ses avoirs en environ 15 jours sur la valeur de ses actions. Un auditeur, pensez-vous qu'un effondrement mondial est proche et que pensez-vous de l'or refuge pour sauver son épargne ? Une fidèle auditrice remercie Monsieur de Lesquin pour ses émissions qui sont toujours de qualité. Elle est très heureuse d'entendre Monsieur de la Marche parler du faux monnayeur dans sa cave, car c'est ce qu'elle pense aussi. Un auditeur, ceux qui prétendent que la bourse est un placement à long terme sont des escrocs. En effet, une SICAV indexée sur le CAC 40 n'a rien gagné depuis 14 ans. Un auditeur, que vaudrait pour l'économie française la mise en place d'un revenu citoyen de 850 € mensuels, tel que le propose M. de Villepin ? Enfin, un auditeur, pourriez-vous compléter vos informations sur la responsabilité de la Fed sur les printemps arabes ? Alors, Olivier de la Marche. Je commence peut-être par la dernière. Tout simplement, vous avez certains pays qui ont commencé à se soulever, notamment par le Sud. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous aviez des gens qui n'avaient plus de quoi se payer à manger. Pourquoi ? Parce que les matières premières alimentaires montaient. et qu'il est bien connu qu'un ventre vide s'énerve plus vite qu'un ventre plein. Donc aujourd'hui, je pense que Bernanke est en partie responsable, en effet, du printemps arabe. Il est en partie aussi responsable des émeutes qu'il y a en Grèce, tout simplement parce que tout le monde a appliqué la même recette que ce qu'il avait appliqué, c'est-à-dire la création monétaire, et ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit, quand on regarde un petit peu les chiffres macroéconomiques américains, que la politique de M. Bernanke a totalement échoué. Il suffit de lire les derniers chiffres qui sont tombés depuis, je dirais, aux environs de 6 mois, c'est-à-dire depuis le début de l'année, qui se dégradent au fur et à mesure. Et c'est donc probablement vers un double dip aux États-Unis, alors un deuxième plongeon de la crise, parce que sinon je vais être mal vu, je vais finir par être mal vu, un deuxième plongeon dans la récession. Donc vous avez ce risque à nouveau aux États-Unis. Et le problème, c'est que quand on a mené la politique de M. Bernanke, c'est-à-dire quand on a des taux à zéro et quand on a un endettement qui est gigantesque, puisque aux alentours de 20 000 milliards aux États-Unis, quand on sait que le PIB est à 14 000, pourquoi 20 000 ? Parce que vous avez 14 000 d'endettement. Simplement, vous avez aussi, 6 000 milliards qui proviennent des garanties octroyées à Fannie Mae et Freddie Mac, hein, qu'ils ont proprement alors, oublié. Qui sont les... Et puis, vous avez les mini-bonds. Attendez, il faut expliquer. Freddie Mac et Fannie Mae, ce sont les caisses de dépôt locales qui sont des organismes parapublics chargés de financer l'immobilier et qui ne sont pas pour rien dans le déclenchement de la crise immobilière, puisque ce sont eux qui ont servi à garantir ou à financer les fameuses obligations... Les fameux crédits de seconde qualité, en anglais subprime, en 2008, qui ont déclenché la crise en 2008. Donc vous avez ces garanties, et puis vous avez ce qu'on appelle les mini-bonds. Les mini-bonds, en fait, c'est les obligations qui sont émises par l'État de Californie, par l'État du Minnesota, par... les États fédérés, en fait. Voilà. Ou simplement aussi par des municipalités aux États-Unis. Je vous signale qu'en France aussi, nous avons des collectivités locales qui sont tout à fait en difficulté ruinées. Financière et pas, trop endettées. Pas en difficulté, ruinées, on peut le dire. D'accord. Pas toutes, mais certaines. Non, mais beaucoup, par Dexia, qui s'est régalé pendant un bon moment... À donner placer des emprunts toxiques, dits toxiques. À placer des produits qui étaient ahurissants. Oui, mais il fallait quand même être deux pour les signer. Ah oui, non, oui, oui. Non plus. Oui, oui. Il faut un escroc et il faut de l'autre côté. Alors écoutez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Souvent, je ne parle pas de Dexia en particulier, mais souvent, les renégociations de prêts, les redéfinitions de prêts, le placement des emprunts toxiques donne lieu à des opérations de corruption. Il y a des courtiers qui prennent des marges et qui financent, qui donnent des pots de vin à des maires ou à des présidents de conseil général. Voilà. C'est comme ça que ça se passe en France. Mais sans aller... Je n'ai désigné personne en particulier. D'ailleurs, je n'ai aucune information particulière, mais c'est connu. Mais de toute façon, il y a certaines régions qui sont pas très bien. Sur l'immobilier... Sur l'immobilier, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je vais... Alors, il faut dire que vous n'êtes pas spécialiste de la question de l'immobilier, vous êtes spécialiste des questions boursières. C'est, avec votre société, Olivier Damarche, qui s'appelle Platinium Gestion. L'immobilier, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui pas mal de gens qui abandonnent la bourse et qui vont dans l'immobilier. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour le faire, mais... Le fait est là. Pourquoi ? Bah parce que déjà psychologiquement, vous achetez un appartement ou vous achetez une maison ou vous achetez un immeuble et si le prix de cet immeuble ou de cette maison baisse de 15%, c'est pas marqué dessus. Donc psychologiquement, ça va mieux. Tandis que quand vous recevez votre relevé de portefeuille, malheureusement, quand il a baissé de 15%, c'est marqué. Donc c'est moins traumatisant d'investir dans l'immobilier. Maintenant, sauf quand on revend. Est-ce que ça va continuer? Sauf quand il faut rembourser une dette. Voilà. Comme aux États-Unis. Oui, mais enfin, vous savez, ceci dit, en France, on a quand même un avantage, c'est que on n'a pas fait comme les Américains. Hein. Vous savez que attends, je fais une parenthèse, pardonnez-moi de s'interrompre, Olivier Delamarche, mais ça a failli. En 2007, tout à fait. Nicolas Sarkozy, élu fraîchement président, est allé aux États-Unis et est revenu enthousiasmé par leur système de financement de l'immobilier, les fameux crédits de second rang ou subprime. Mmh. Et à quelques mois après, nous aurions eu la même chose en France. Oui, je dirais heureusement qu'il y a eu cette catastrophe américaine. Ça nous a évité d'avoir une catastrophe française équivalente. Non, mais vous avez une tradition, pas que française d'ailleurs, mais vous avez une tradition française qui consiste à distribuer des taux, à distribuer des prêts à taux fixe, ce qui n'est pas le cas des Américains, qui sont en taux variable. Ce qui fait que quand les taux se tendent, ça peut faire très mal, comme en Espagne, par exemple, où ils sont en taux variable aussi, essentiellement. En France, la grande majorité des prêts sont à taux fixe. Alors, il faut dire aussi là, que vous n'avez pas ce problème-là. Il faut dire aussi qu'en France, on n'a jamais allé comme aux États-Unis, jusqu'au point où on incite les banques à prêter à des gens insolvables, parce que toute la crise est partie de ce point de départ. C'est-à-dire qu'on prêtait à des gens insolvables parce qu'on voulait favoriser l'accession à la propriété de gens qui n'avaient pas les moyens financiers d'accéder à la propriété. Et ce système qui sera trop long de décrire a créé justement cette situation invraisemblable d'emprunts toxiques qui ont été étalés sur l'économie mondiale par l'intermédiaire de la titrisation et donc les banques américaines et par le truchement de Fannie Mae et Freddie Mac. Donc il y a eu tout un système fou qui a été développé avec la bénédiction de la Fed consistant premièrement à prêter des milliards et des milliards de dollars à des gens insolvables avec sans aucune vérification du dossier, avec des prêts qui commençaient avec des taux bas, puis les taux montaient ensuite, avec des garanties hypothécaires sur des immeubles dont on supposait que la valeur allait indéfiniment augmenter. Enfin, un système totalement fou qui a été béni par les autorités américaines, y compris par la Fed. C'est absolument aberrant. Ils n'étaient peut-être pas totalement naïfs, puisque ils savaient qu'en créant de la monnaie, ils faisaient monter les actifs. Et donc ils espéraient rattraper au fur et à mesure le train. Et alors, ce qui peut conduire quand même à l'inquiétude, et je dis ça après avoir écouté Olivier Delamarche, analyste financier, président de la société Platinium que nous recevons aujourd'hui à Radio Courtoisie, bah c'est que les gens qui sont responsables des erreurs qui ont été commises sont toujours en poste. Oui. Il n'y a pas eu d'élimination. Mais non seulement ça, mais on continue. C'est-à-dire tout à l'heure, nous disions des méchancetés sur Patrick Artus, l'économiste qui a prévu toujours le contraire de ce qui se passe. Il est toujours écouté. Plus il multiplie les erreurs, plus on l'invite à s'exprimer dans les journaux. Eh bien là, c'est pire. Ce n'est pas un commentateur. Ce sont des gens qui sont aux manettes, c'est-à-dire notamment aux manettes de la Banque centrale. Ou des banques centrales aux États-Unis et en Europe, qui sont toujours là avant la crise. On ne leur a pas demandé de démissionner. Non, pas du tout. Mais je peux vous dire que ce qui est amusant, c'est qu'on amplifie même les choses, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on a réintroduit en bourse General Motors, c'est-à-dire que l'État américain a revendu une partie de General Motors. General Motors, qui venait de se vanter d'avoir acheté une société de financement, qui était une société de financement dont la principale activité était de prêter à des gens qui ne rembourseraient jamais. Voilà, c'est énorme, mais c'est comme ça. On remet en bourse General Motors parce que il va y avoir ce que j'appelle la deuxième tonte des gens qui sont allés se mettre dessus, qui n'avaient pas compris la première fois, qui se sont fait copieusement tondre et qui vont se refaire tondre une deuxième fois parce qu'on prend les mêmes et on recommence. Alors, sur l'immobilier, donc, je vous disais, le système est quand même très différent en France du système américain. Vous avez des prix qui, même s'ils paraissent totalement aberrants, sont loin de certaines villes, je ne nommerai pas Londres ou ce genre de villes. Oui, est-ce que sont loin aussi des villes allemandes? Oui, loin aussi. Où l'économie fonctionne bien. Tout à fait. Sans, donc, sans immobilier. Sans à Berlin, c'est trois fois moins cher qu'à Paris. Ah, exactement. Oui. On peut aussi mettre en parallèle. Je sais, j'étais à Berlin il y a deux jours, j'ai regardé les prix de l'immobilier, c'est trois fois moins cher en mètre carré. D'une telle immobilisation de capital dans de la pierre. Hein. Alors, maintenant, là où il faut se méfier aussi, c'est que malheureusement, quand ça ne va plus, vous ne pouvez pas partir avec votre appartement sous le bras. Ça me paraît compliqué. Et donc, il faut savoir que là, vous êtes dépendant de la politique fiscale qu'on va vous asséner sur la tête. Donc, méfiez-vous peut-être de ça, parce que bientôt, tous les gouvernements auront besoin de sous. Et donc, ils iront le chercher là où il y en a. Alors, laissons là l'immobilier parce que le temps nous est compté. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit en anglais et aussi en français. Et je voudrais que nous parlions de l'or. Alors, je réponds à un auditeur de Radio Courtoisie, même à deux auditeurs. L'une qui a dit que le chef de l'État n'avait pas à vendre notre or sans notre avis. Alors, en réalité, Nicolas Sarkozy a vendu de l'or de la Banque de France. C'était quand il était ministre des Finances pendant 3 mois. Il a été ministre des Finances en 2005 ou 2004, je ne sais plus exactement. Et là, il a décidé de vendre l'or de la Banque de France. Alors, l'ennui, c'est qu'il n'était pas, il n'avait pas théoriquement le pouvoir de le faire. Et d'ailleurs, M. Noyer, gouverneur de la Banque de France, lui a répondu que premièrement, c'était la Banque de France était indépendante et que c'est elle qui déciderait éventuellement de vendre une partie de ses réserves d'or. Et deuxièmement, que si elle le faisait, l'argent n'irait pas à l'État. Simplement, la Banque de France, dans sa grande bonté, pourrait augmenter les dividendes qu'elle allait verser à l'État. Mais cela dit, après cette déclaration courageuse, en fait, Christian Noyer a exécuté la demande ou l'ordre de Nicolas Sarkozy, et il a effectivement vendu de l'or. L'ennui, c'est qu'il l'a vendu. À l'époque, c'était 400 ou 500 dollars l'once, et maintenant, on atteint 1600 dollars l'once. Donc, franchement, ça n'était pas un moment idéal pour vendre l'or de la Banque de France. Alors maintenant, je me tourne à nouveau vers Olivier Delamarche et je lui demande, je lui répète la question des auditeurs, faut-il acheter de l'or aujourd'hui? Oui. L'or est-il un bon placement? Oui. Oui, parce que... Ça a beaucoup monté quand même. Nous sommes à presque 1600 dollars l'once. Oui, mais ça va continuer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites mon métier, vous avez un gros problème. C'est parce que ce n'est pas seulement savoir à combien va finir le CAC le 31 décembre. Ça, je dirais, c'est un problème accessoire. Même si ça peut paraître important, c'est un problème accessoire. C'est-à-dire que peu importe si ça finit à 3000 ou à 2005, le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans quelle monnaie faut-il libeller vos actifs ? Aujourd'hui... En France suisse, non ? Je vous réponds. Aussi, mais aujourd'hui, les monnaies papier, les principales monnaies papier, c'est-à-dire l'euro, le dollar, le yen, valent rien. C'est-à-dire peut-être un petit peu plus que le prix du papier, mais pas beaucoup plus. Et donc, ça devient compliqué pour libeller vos actifs. Alors, vous avez le franc suisse, vous avez... Ça donne le plaisir d'acheter des francs. Voilà, vous avez peut-être la couronne norvégienne, vous avez peut-être le dollar australien, vous avez peut-être le dollar canadien, etc. Mais il faut savoir que de toute façon... il me paraît très difficile aujourd'hui d'espérer passer entre toutes les gouttes. Donc, vous pouvez éviter la grosse partie de l'orage. Vous n'éviterez pas toutes les gouttes. Et pourquoi ? Parce que comme c'est une crise, et pour la première fois réellement mondiale, vous avez un souci. Vous vous dites, je vais acheter du dollar canadien parce que le Canada, finalement, n'est pas endetté et ça va plutôt bien. Oui, seulement si les États-Unis sont confrontés à une dépression, le Canada, qui exporte beaucoup vers les États-Unis, va aussi subir avoir des problèmes. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le dollar canadien baissera. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne passerez pas entre toutes les gouttes. Merci Olivier Delamarche. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, où je leur donne même des précisions supplémentaires, que vous êtes analyste financier, président ou gérant de la société Platinium Gestion, que cette société de conseil et de gestion financière, boursière, est 652 rue des Acacias, Paris 17e, 75017 Paris, téléphone 01 47 42 09 09, donc 52 rue des Acacias, 75017 Paris, téléphone 01 47 42 09 09, qu'on peut joindre la société à accueil@platinium-gestion.fr, et que vous avez un site internet qui est www.platinium-gestion.fr. Alors, dernière question à laquelle il faudra que vous répondiez en une minute. Êtes-vous d'accord avec Madame Sheila Baer, B-A-I-R, ancienne présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, qui quitte ses fonctions, et qui dit que ça a été une erreur de sauver la banque Bear Stearns. Qu'en pensez-vous ? Oui, mais je dirais que la première erreur, ça a été le sauvetage par M. Greenspan de LTCM. En 98, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un hedge fund. Qui, un fonds spéculatif. Des prix Nobel. Qui a eu des gros problèmes. Et à ce moment-là, M. Greenspan a ouvert son carnet de chèques, enfin plutôt le carnet de chèques de la Fed, pour sauver LTCM et donc pour sauver les banques qui avaient investi dans LTCM. Et ça, si vous voulez, ça a donné le point de départ à une assurance tout risque. Et à partir du moment où un banquier se sent assuré, fait des bêtises. Préjudice moral ou hasard moral. Bien, merci beaucoup Olivier Delamarche. Donc je rappelle que vous êtes analyste financier, président de la société Platinium Gestion. Et je vous remercie de cette analyse impertinente de la crise financière dont vous avez fait bénéficier les auditeurs de Radio Courtoisie qui en tireront certainement le plus grand profit dans tous les sens du terme. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, dans 2 minutes pour la suite de notre discussion où nous parlons de l'antiracisme et des affaires et des rumeurs.